الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la traduction du livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى. La semaine dernière on avait expliqué le hadith 101 et le hadith d'Abu Huraira رضي الله تعالى عنه. Qui l'a appris? Al-Wata. Fadal Akhir. An Muhammad ibn Sirin, an Abi Huraira qal, salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ihda salati al-ashi, qal ibn Sirin, وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال صلى بنا ركعتين ثم صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى شجرة معروضة في المسجد. شجرة على شجرة خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على كف يديه اليسرى على ظهر كفه على ظهر كفه اليسرى. وخرجت السراعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فكبر وصلى فصلى ما ترك ثم سلم فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سجد وكبر ثم سجد ثم رفع رأسه وكبر أعد ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه أيوة فكبر نعم ثم سجد ثم كبر وسجد أيوة ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه أسلم قال فنبئت أن عمران ثم سلم فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن حسين قال أن عمران بن حسين قال سلم. أحسنت بارك الله فيك. طيب يقول المؤلف الحديث الثاني بعد المئة الحديث عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Buhayna, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Dhuhr. Il s'est levé après les deux premières unités de prière sans s'asseoir. Autrement dit, sans faire le tashahhud. Les gens se sont levés avec lui. Hatta idha qada as-salah. Jusqu'à avoir terminé la prière. Et au moment où les gens attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salue à droite et à gauche, il a dit Allahu Akbar en étant assis. Puis, salam tullah, puis a accompli deux prosternations avant de saluer, puis il a salué. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Salla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi ashabihi salat al-dhuhr. فلما صلى الركعتين الأوليين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الأول فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين وجلس للتشهد الأخير وفرغ منه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو في جلوسه فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاة. Le sens général du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de Dhuhr derrière lui, les compagnons, derrière lui ses compagnons radiyallahu anhum. Et lorsqu'il a prié les deux premières unités de prière, il s'est levé sans s'être assis pour le tashahhud. Et les compagnons, radiallahu anhum, l'ont suivi dans cela, jusqu'à arriver aux deux dernières unités de prière. Il s'est assis pour le dernier tashahhud, et lorsqu'il a terminé celui-ci, lorsqu'il a terminé ce dernier tashahhud, et que les gens attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le salam et sorte de sa prière, il a fait le takbir en étant assis, il s'est prosterné à deux reprises, avant de saluer, et il s'est prosterné comme la prosternation de la prière, puis il a salué. Est-ce que c'est clair? Ce que l'on retient du hadith, ما يؤخذ من الحديث أولا وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الأول. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est l'obligation de faire des prosternations de la distraction pour celui qui s'est distrait dans sa prière et qui a délaissé le premier tashahhud. ثانياً إن التشهد الأول ليس بركن لو كان ركنا لما جبر النقص به سجود السهو ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. Deuxièmement, le premier tashahhud n'est pas un pilier, car si c'était un pilier, son manque n'aurait pas été compensé par les deux prosternations de la distraction. Et l'obligation du premier tashahhud est déduite dans d'autres preuves. Dans ce hadith de Abdullah ibn Buhayna, est-ce qu'il y a la preuve que le tashahhud, le premier, est un pilier? Oui ou non? Non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de faire deux prosternations de la distraction pour compenser ce manque, pour compenser le fait de ne pas avoir fait le premier tashahhud. Et cela a suffi. Or, un pilier, lorsqu'il n'est pas fait, est-ce que de faire deux prosternations de la distraction suffit? Non, il faut rattraper et refaire ce pilier. Taïb, ce n'est pas un pilier. Mais c'est quoi alors? C'est une obligation. Et est-ce qu'on en déduit l'obligation dans ce hadith? Non, mais dans d'autres hadiths qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, le hadith de Al-Musi fi salatih. ثالثا إن تعدد السهو يكفي له سجدتان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد. Troisièmement, il y a la preuve que lorsque les distractions sont multiples, même si les distractions sont multiples, il ne suffit de faire que deux prosternations de la distraction. Car ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé deux choses. La première, le fait de s'asseoir, après la deuxième rak'at. Et deuxièmement, le tashahhud. De s'asseoir est une chose, et de faire le tashahhud en est une autre. Il y a eu donc deux distractions, et le prophète sallam n'a fait que deux prosternations de la distraction, comme si ce n'était qu'une seule. رابعا أهمية متابعة الإمام حيث أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على متابعته وتركهم الجلوس مع علمهم بذلك فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. Quatrièmement, on déduit de ce hadith l'importance de suivre l'imam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le fait que ses compagnons le suivent et qu'il ne s'assied pas dans le premier tashahhud tout en sachant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été distrait. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont derrière lui étaient distraits? Non. Il y en avait qui savaient pertinemment que c'était un oubli de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, est-ce qu'ils l'ont suivi ou pas? Oui. Et est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, leur a reproché de l'avoir suivi alors qu'ils savaient qu'ils faisaient une erreur? La réponse est non. Et dans une version de Nasa'i, rapporté par An-Nasa'i, Ibn Khuzaima et Al-Hakim, فَسَبَّحُوا بِهِ, les compagnons ont dit Subhanallah, فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué sa prière. A continué sa prière. Et on peut en déduire une autre chose que l'auteur n'a pas citée, que d'autres savants ont cité, parmi eux Cheikh Al-Albani rahimahullah, et que l'imam, lorsqu'il prie une prière de quatre unités, comme à Dhuhr par exemple, et qu'il se lève de la deuxième directement à la troisième, sans faire le tashahhud, et que les gens le reprennent, est-ce qu'il doit redescendre ou pas? Non. Pourquoi? Car le prophète sallam ne l'a pas fait. Alors que les compagnons lui ont dit Subhanallah. طيب خامسا إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لأنهم تركوا التشهد عمدا والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وإنما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. Cinquièmement, la distraction de l'imam touche ceux qui prient derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire, la distraction de l'imam touche ceux qui sont derrière lui? C'est une influence, on peut dire ça. Non, c'est comme si la distraction de l'imam les concernait aussi. Ils étaient concernés autant que l'imam par cette distraction. Et le cheikh explique pourquoi. Il dit, rahimahullah, car ils ont délaissé le tashahhud amdan. Ceux qui ont prié derrière le prophète sallam, ils ont délaissé le tashahhud par distraction ou volontairement? Volontairement. Or, celui qui délaisse une obligation volontairement dans sa prière, est-ce que sa prière est acceptée? Non. S'il l'a délaissé par distraction, s'il a délaissé une chose obligatoire par distraction, il doit la réparer en faisant deux prosternations de la distraction. Mais s'il délaisse volontairement une chose obligatoire, alors sa prière est batila, elle est nulle. Or ici, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé le tashahhud de façon volontaires. Mais est-ce que leur prière était annulée? La réponse est non. Pourquoi? Car ils sont concernés par la distraction de l'imam. طيب. Et le cheikh dit وَإِنَّمَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي غَيْرِ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ. Alors que sa prière aurait été nulle dans une situation autre que celle-ci, à savoir lorsque l'imam est distrait. سادسا إن السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. Sixièmement, que la prosternation dans une situation comme celle-ci se fait avant le salam. La semaine dernière, lorsqu'on avait cité les différents avis des savants, l'avis qu'avait opté Cheikh al-Bassam était que Naam. Elle dit ça. Naam. On avait dit que il le faisait après, lorsqu'il avait diminué. Et dans toutes les autres situations, c'est-à-dire lorsqu'il rajoute ou lorsqu'il doute, il le fait quand? Avant. Je reprends la parole du Cheikh. Il a dit, dans le 9e point du 101e hadith, la prosternation de la distraction se fait après le salam, lorsque le prieur a diminué dans sa prière. وَمَا عَدَاهُ يَكُونُ قَبْلَ السَّلَامِ. Et toute autre situation, eh bien, il fait ses prosternations avant le salam. Et c'est le madhab de Al-Hanabilah, et c'est l'avis qui rassemble toutes les preuves. Contrairement à ceux qui disent que la prosternation se fait toujours après le salam, et c'est le madhab de Al-Hanafiyah, ou toujours avant le salam, qui est le madhab de Al-Shafi'iyah. Donc l'avis de Al-Hanabila, c'est quand tu rajoutes, tu le fais avant. Non, quand tu diminues, tu le fais après. Et quand tu rajoutes ou tu doutes, tu le fais avant. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté ou il a diminué? Il a diminué. Et il a fait les deux prosternations quand? Avant. Comment rassembler? Le cheikh dit, le sujoud, dans une situation comme celle-ci, où l'imam oublie de faire le premier tashahoud, alors il le fait avant. Comme s'il considérait cela comme une exception. سابعا إن السلام يلي سجدتي السهو فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء. Septièmement, le salam suit directement les deux prosternations. Il n'y a pas entre les deux de tashahud ou d'invocation. Lorsque tu fais tes deux prosternations de la distraction, de suite après, tu fais le salam. Entre le moment où tu as fait tes deux prosternations et le moment où tu vas saluer, il n'y a ni tashahud ni dua. Et on avait vu la semaine dernière la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah à ce sujet. Est-ce que c'est clair? يقول المؤلف باب المرور بين يدي المصلي. Le chapitre du fait de passer devant le prieur. الحديث الثالث بعد المئة. Le 103e حديث. عن أبي جهيم ابن الصمة الأنصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي رواه البخاري ومسلم قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة Selon Abu Juhaym ibn Simmah al-Ansari, qu'Allah l'agré, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il avait comme péché et comme mal, il lui aurait été préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant le prieur. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et Abu Nadr a dit, je ne sais plus s'il a dit 40 jours, ou 40 mois, ou 40 années. Al-Ma'na al-Ijmali. Al-Musalli waqifun bayna yaday rabbihi yunajihi wa yunadihi. Fa'idha marra bayna yadayhi fi hadhihi al-hal mar. قطع هذه المناجات وشوش عليه عبادته ولذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلي بمروره فأخبر الشارع أنه لو علم ما الذي ترتب على مروره من الإثم والذنب لفضل أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين يدي المصلي مما يوجب الحذر من ذلك والابتعاد منه. Le sens général du hadith. Le prieur se met debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui passe devant lui, dans une situation comme celle-ci, eh bien, il le perturbe dans son adoration. Ainsi, le péché de celui qui est la cause d'un manquement dans la prière du prieur en passant devant lui est grand. Et le législateur, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a informé que si celui qui est passé devant le prieur, savait ce qu'il avait commis comme mal et comme péché, il lui aurait été préférable de rester dans l'endroit où il est, même un des moments longs, même pendant un long moment, plutôt que de passer devant le prieur, ce qui impose le fait de prendre garde à cela et de s'en éloigner. ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient du hadith. أولا تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة أو المرور بينه وبينها إذا كان له سترة. Premièrement, l'interdiction de passer devant le prieur s'il n'a pas de sutra, ou de passer entre lui et son obstacle s'il a une sutra. Un sutra, c'est un obstacle que le prieur pose devant lui qui lui permet de protéger sa prière. Et il est interdit de passer devant le prieur qui n'a pas de sutra. Et d'autres savants ont expliqué qu'il ne doit pas passer entre l'endroit où il pose ses pieds et l'endroit où il pose sa tête. Ça, c'est s'il n'a pas de sutra. S'il a posé un obstacle devant lui, eh bien, dans ce cas, il est interdit de passer entre le prieur et son obstacle. ثانيا وجوب الابتعاد عن المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'obligation de s'éloigner et de s'écarter du fait de passer devant le prieur, et ceci à cause de cette menace qui est dure, de cette menace qui est dure du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thalithan, إن الأولى للمصلي أن لا يصلي في طرق الناس وفي الأمكنة التي لا بد لهم من المرور بها لئلا يعرض صلاته للنقص ويعرض المارة للإثم. Troisièmement, le mieux pour le prieur est de ne pas prier dans l'endroit de passage des gens, à l'endroit où les gens passent, et également dans les endroits où les gens sont obligés, ou les endroits que les gens sont obligés de traverser. Pourquoi ? Car si le prieur accomplit sa prière dans ces endroits, il expose sa prière à une diminution, à savoir dans la récompense, et il expose ceux qui passeraient devant lui au péché. Si tu pries dans un endroit où les gens passent et que les gens traversent, obligatoirement, ils ne peuvent pas prendre d'autre chemin. Parmi ces personnes, y en a-t-il qui vont passer devant toi? La réponse est sûrement. S'ils passent, est-ce qu'ils auront commis un péché? La réponse est oui, parce qu'ils n'ont pas à passer devant un prieur. Mais toi aussi, tu as ta part de péché, car tu t'es exposé et tu t'es mis dans une situation dans laquelle tu t'exposes au fait que les gens puissent passer devant toi. Et on verra par la suite une autre parole de l'imam Ibn Daqiq al-Aïd, où il dit justement que ce cas-là est un cas dans lequel les deux ont un péché. Celui qui a pris dans cet endroit et qui s'est exposé à cela, et celui qui est passé devant lui. طيب. رابعا شك الراوي في الأربعين هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام ولكن ليس المراد بهذا العدد المذكور الحصر وإنما المراد المبالغة في النهي فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير كقوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ولهذا ورد في صحيح ابن حبان وسنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مئة عام خيرا من الخطوة التي خطاها. Quatrièmement, le rapporteur a douté sur les 40. Cela concerne-t-il 40 jours ou bien cela concerne-t-il des jours, des mois ou des années? Et le cheikh dit, mais ce n'est pas le nombre qui est voulu. Dans les 40, ce n'est pas le nombre qui est voulu. Mais ce qui est voulu, c'est d'accentuer l'interdiction, d'appuyer, de confirmer l'interdiction de passer devant le prieur. Et les Arabes utilisent beaucoup cela pour donner un exemple et pour illustrer leurs paroles lorsqu'ils veulent parler de quelque chose عند إرادة التكثير, lorsqu'ils veulent montrer que la chose est grande ou que la chose est importante, ou lorsqu'ils veulent montrer une répétition à plusieurs reprises d'une chose. Et Asher donne l'exemple de la parole d'Allah Azza wa Jal si tu leur pardonnes 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. En parlant des hypocrites. Même si tu leur pardonnes 70 fois, Allah Azza wa Jal ne leur pardonnera pas. Est-ce que ici le nombre 70 est voulu? C'est-à-dire que si tu leur demandes le pardon 71 fois, alors peut-être qu'Allah leur pardonnera? Non. C'est pour montrer que, quel que soit le nombre de fois que tu leur demanderas le pardon, eh bien Allah ne leur pardonnera jamais, quel que soit le nombre. Et le cheikh dit, c'est pour cela qu'il est rapporté dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, dans les Sunan de l'imam Ibn Majah, selon Abu Huraira, où le prophète sallam a dit, il lui serait préférable de rester debout 100 ans, plutôt que de faire le pas qu'il avait l'intention de faire, ou plutôt que de faire le pas qu'il a fait. Ce hadith a été rendu faible par Cheikh l'Albani, rahimahullah, dans Da'if al-Jami', dans Da'if ibn Majah et dans Da'if al-Targhib wa al-Tarhib. Et ceci, min bab al-Amana al-Ilmiya. Khamisan, أما في مكة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر من أمامه رجل أو امرأة. Cinquièmement, quant à la Mecque, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, si un prieur prie dans la mosquée et que les gens qui font le tawaf devant lui, eh bien, il n'est pas détestable qu'il passe devant lui, que celui qui passe devant le prieur soit un homme ou une femme. Que celui qui prie devant lui, celui qui passe à fond devant lui, soit un homme ou une femme. الحديث الرابع بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم تفضل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. الحديث 104. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anha, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, lorsque l'un d'entre vous prie vers une chose qui le protège des gens, autrement dit, vers une sutra, et qu'une personne désire passer devant lui, alors qu'il le repousse. S'il refuse, qu'il le combatte, car ce n'est qu'un diable. Hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Al-ma'na al-ijmali. Iza dakhala al-musalli fi salatih, wa qad wada'a amamahu sutratan litasturahu minan nas, hatta la yanqusu salatahu bimururihim bayna yadayh, wa aqbala yunaji rabbah, fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayh, فليدفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع بسهولة ويسر فقد أسقط حرمته وأصبح معتديا والطريق لوقف عدوانه المقاتلة بدفعه باليد فإن عمله هذا من أعمال الشيطان من أعمال الشياطين الذين يريدون إفساد عبادة الناس والتلبيس عليهم في صلاتهم. Le sens général du hadith. Lorsque le prieur entre dans sa prière et qu'il a posé devant lui un obstacle qui le protège des gens, afin qu'il ne diminue pas la récompense de sa prière en passant devant lui, et commence sa prière en se positionnant devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'une personne veut passer devant lui, alors qu'il le repousse de la façon la plus simple. Et le cheikh expliquera plus tard que parmi les façons simples de repousser au premier abord, c'est soit de faire un signe de la main, ou soit faire le tasbih. Et si il ne se retire pas, ou si cela ne l'empêche pas, après avoir utilisé les moyens simples et gentils, alors asqata hurmatah, alors il ne mérite plus d'être respecté, et il devient un transgresseur. Et le moyen pour arrêter sa transgression, c'est de le combattre en le poussant de la main. Car l'acte qu'il fait fait partie des actes des diables qui veulent يريدون إفساد عبادة الناس, qui veulent faire en sorte que les adorations des gens soient mauvaises et de les distraire et de les déranger dans leurs prières. الأحكام التي في الحديث, les jugements à retenir du hadith. أولا مشروعية السترة للمصلي ليقي صلاته من النقص أو القطع. Premièrement, il est légiféré pour le prieur de mettre un obstacle devant lui afin de préserver sa prière, soit de la diminution ou soit de l'annulation. ثانياً, مشروعية قربه منها يتمكن من رد من يمر بينه وبينها ولئلا يضيق على المارة. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré de se rapprocher de la sutra. Et vous savez que la sunna du prophète sallam, c'est d'avoir une sutra, mais aussi de se rapprocher de celle-ci. Pourquoi ? Le cheikh donne ici les deux raisons. Premièrement, pour qu'il puisse repousser celui qui viendrait passer entre lui et sa sutra. Si tu es loin de ta sutra et qu'une personne s'apprête à passer, est-ce que tu pourras le repousser facilement si tu es loin? Non. Donc plus tu es proche de ta sutra, et plus il te sera plus simple et plus aisé de repousser une personne qui voudrait passer entre toi et cet obstacle. Et deuxièmement, pour ne pas gêner et restreindre le passage de celui qui veut passer. Plus tu te rapproches de ta sutra, et plus tu laisseras derrière toi de l'espace pour que les gens puissent passer. Et plus tu t'éloignes de ta sutra, et moins tu laisses de l'espace aux gens pour passer. Rabi'an, man'u man yuridu al-murur bayna yaday al-musalli wa bayna sutratihi ويكون بإشارة أو تسبيح أولا فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد قال القاضي عياض والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي إلى مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. نعم عفوا. ثالثا تحريم المرور بين المصلي وبين سترته لأنه من عمل الشيطان. Troisièmement, l'interdiction de passer entre le prieur et sa sutra, car ceci fait partie des actes du diable. رابعا منع من يريد المرور بين المصلي وبين سترته ويكون بإشارة أو تسبيح أولا فإن لم يندفع منع ولو بدفعه لأنه معتد قال قاضي عياض والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي إلى مقام في مقامه إلى رده لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. Quatrièmement, l'interdiction ou d'empêcher celui qui veut passer entre le prieur et son obstacle, et il se fait tout d'abord en faisant un signe ou le tasbih en premier lieu. Si il ne se retire pas, alors on l'empêche de passer en le poussant avec sa main, car il est devenu un transgresseur. Et Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a dit, et il y a l'accord sur le fait qu'il est interdit de marcher vers la personne que l'on veut empêcher de passer. Car ceci, dans sa prière, est pire que le fait qu'il passe devant lui. Ici, Al-Qadiyyah dit qu'il y a l'accord des savants sur le fait qu'il n'est pas autorisé de marcher pour aller empêcher quelqu'un qui voudrait passer devant toi, car en marchant, tu auras fait dans ta prière une chose pire que le fait qu'il passe devant toi. Autrement dit, quelle est la chose la plus grave ? Est-ce que c'est de marcher pendant sa prière ? Ou est-ce que c'est le fait que quelqu'un passe devant toi, de marcher durant sa prière? Et Al-Qadi Iyad cite l'accord des savants sur cela. Et l'accord, ce n'est pas l'unanimité. خامساً إن المندفع إن المدفوع لو تسبب إن المدفوع لو تسبب موته من الدفع فليس على الدافع ذنب ولا قود لأن دفعه مأذون فيه وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. Regardez jusqu'où vont les savants. Cinquièmement, si celui qui a été poussé meurt à cause du fait qu'il a été poussé, il n'y a pas de péché ni de loi du talion pour celui qui l'a poussé. Car le fait qu'il l'ait poussé avec sa main est une chose qui lui est autorisée. Et ce qui découle d'une chose autorisée n'est pas garanti. Et ce qui découle d'une chose autorisée n'est pas garanti. Sadisan, est-ce que c'est clair pour le cinquième point? Donc même si cela amène à une mort, à la mort de celui qui est tombé, car le but du prieur était de sadisan. Al-hikmatu fi raddihi an la yaqa'a fi s-salati khalal wa la'alla yaqa'a al-maru fi l-ithm. Sixièmement, la sagesse de repousser celui qui veut passer devant toi lorsque tu pries, et premièrement, que ta prière ne soit pas diminuée en récompense, et deuxièmement, pour également, pour ne pas que celui qui passe devant toi commette un péché. Ce sont les deux sagesses. Sabi'an, ma taqaddama min daf'i al-mar wa muqatalatihi wa 'adami ad-daman fi dhalika liman ja'ala amamahu sutrah. فأما من لم يجعل سترة فليس له حرمة لأنه المفرط في ذلك كما هو مفهوم الحديث. Septièmement, ce que l'on a cité précédemment sur le fait de repousser celui qui passe devant le prieur et de le combattre si besoin, et qu'il n'y a pas de garantie وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة. Et point de garantie pour celui qui a placé devant lui une sutra. Autrement dit, que cela est autorisé, c'est-à-dire de repousser le prieur, et le fait de le repousser et ne garantit pas les dégâts qu'il y aura derrière, cela concerne celui qui met une sutra devant lui. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْ سُتْرَةَ فَلَيْسَ لَهُ حُرْمَةَ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ فِي ذَلِكَ. Et s'il n'a pas de sutra, alors il n'y a pas ce caractère sacré de protection et c'est lui qui a commis un manquement. كَمَا هُوَ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ. Comme l'on le comprend du hadith. Car le professeur Hassan m'a dit: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز. Si l'un d'entre vous prie vers une chose qui le protège et qu'une personne désire passer entre lui, devant lui, alors qu'il le repousse. Comme si le professeur Hassan a dit, s'il prie vers quelque chose qui ne le protège pas, alors il n'a pas à le repousser. C'est ce que dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah ta'ala, en disant kama huwa mafhum al-hadith, comme cela est compris du hadith. Thaminan, inna mudafa'ata kulli sa'il takunu bil ashal fal ashal fala yajuzu mubadaratuhu bishiddah hatta tunaffad wasa'il al-lin. Huitièmement, que de repousser toute personne qui veut passer devant toi se fait toujours de la façon la plus simple et la plus facile. Et il n'est pas autorisé de tout de suite le repousser avec violence ou avec force. Et ceci, on a recours à la violence que lorsque tous les moyens faciles et gentils ont été utilisés. تاسعاً ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور. Neuvièmement, la majorité des savants sont de l'avis que s'il passe devant le prieur et qu'il n'est pas repoussé, qu'il n'a pas à l'amener vers lui, car il y aura dans cela un deuxième passage. S'il est passé et tu ne l'as pas empêché de passer, est-ce que tu vas l'attraper par derrière et le tirer pour qu'il repasse une nouvelle fois devant toi? La réponse est non, mais tu le laisses continuer son chemin. عاشرا وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المرء إذا لم يكن للمرء مندوحة عن المرور وقال يشتركان في الإثم إذا كان للمرء مندوحة وتعرض له المصلي. Dixièmement, l'imam al-Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit que le prieur est le seul qui a le péché sans celui qui passe devant lui si celui qui passe n'a pas d'autre espace pour passer. Vous avez compris ou pas? Celui qui prie dans un endroit où il ne laisse aucun autre endroit aux passants de passer. Ici, si les passants passent, l'imam al-Daqiq al-Aid dit que c'est le prieur seul qui a un péché. Il dit وَيَشْتَرِكَنِ فِي الْإِثْمِ إِذَا كَانَ لِلْمَارِ مَنْدُوحَ وَتَعَرَّضَ لَهُ الْمُصَلِّي. Il dit, et ils ont tous les deux un péché, lorsque le passant avait un espace pour passer, et que le prieur se soit exposé, autrement dit qu'il est pris dans un endroit de passage. s'il prie dans un endroit de passage, soit les gens sont obligés de passer devant lui pour continuer leur chemin. Dans ce cas, c'est le prieur qui a le péché. Le prieur prie dans un endroit de passage où il y a un endroit suffisant aux passants d'emprunter pour traverser leur chemin. Et que malgré ça, ils passent devant le prieur. Alors, le passant a un péché et le prieur en a aussi. Allahu a'lam. 11. إذا كان العمل في الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها لأنه شيء جائز. Onzièmement, lorsqu'un acte est fait dans la prière pour le bien de celle-ci, ni il ne la diminue, ni il ne l'abolit, car c'est une chose autorisée. Le fait de repousser le passant avec sa main et même être amené à le bloquer de façon violente. Est-ce que ce sont des actes de la prière? Non. Est-ce que cela l'annule ou la diminue? La réponse est non. Pourquoi? Car c'est une chose autorisée pour le bien de la prière. Car c'est une chose autorisée pour le bien de la prière. Et ce sujet, on l'a vu notamment la semaine dernière. الحديث الخامس بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد رواه البخاري ومسلم. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: je suis arrivé installé sur ma monture qui était une ânesse qui est la femelle de l'âne. Et à ce moment-là, je m'approchais de la puberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam présidait la prière à Mina et il ne priait pas vers un mur. Je suis passé entre certains rangs, je suis descendu et j'ai envoyé l'ânesse aller paître et je suis rentré dans le rang et personne ne m'a fait de reproche. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith al-atan unth al-hamir wa huwa bi fath al-hamza wa kasriha wal fath ashhar wa ba'daha ta'un muthannah wa hiya na'tun lil himar. Al-atan qui est l'ânesse, la femelle de l'âne. Et on peut dire بفتح الهمزة وكسرها. On peut dire الأتان ou الإتان بفتح الهمزة وكسرها والفتح أشهر. Mais ce qui est plus connu est الفتح الأتان. ثانيا ناهزت الحلم قاربت البلوغ مراده في تلك المدة. Je m'approchais de la puberté. C'est-à-dire à ce moment-là, au moment où il rapportait ce fait, radiyallahu anhu. Thalithan tarta'u bi dhammi al-'ayn, ya'ni tar'a, qala fi as-sihah, rata'at al-mashiya akalat ma sha'at. Troisièmement, tarta' bi dhammi al-'ayn, c'est-à-dire qu'elle allait paître. Lorsque l'on dit rata'at al-mashiya, lorsque la bête lorsque l'on dit rata'at al-mashiya, c'est-à-dire qu'elle mange ce qu'elle veut. Autrement dit, il a laissé manger ce qu'elle voulait. Al-ma'na al-ijmali, akhbara Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu lamma kana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Mina fi hajjat al-wada', aqbala rakiban ala atan famarra ala ba'd as-saff والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعى، ودخل هو في الصف، وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعني في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرا يفسد على المصلين صلاتهم، ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. Le sens général du hadith. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu informe qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mina pendant le pèlerinage de l'adieu. Et qu'il est arrivé installé sur son ânesse et qu'il est passé entre certains rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, présidait la prière devant ses compagnons. Il est alors descendu de son ânesse, il l'a laissé aller paître, et il est rentré dans le rang, autrement dit, il est rentré dans la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'informe qu'à cette époque, il était proche de la puberté, de l'âge de la puberté. Autrement dit, qu'il avait atteint l'âge dans lequel on pouvait lui reprocher s'il avait fait quelque chose de réprimandable. Ou s'il avait fait quelque chose qui avait une influence néfaste sur la prière de ceux qui prient. Et malgré cela, malgré qu'il ait passé dans certains rangs au-dessus de son ânesse, et en plus qu'il avait l'âge où on pouvait lui faire le reproche, et bien malgré cela, personne ne lui a reproché quoi que ce soit, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons radiallahu anhum. ما يؤخذ من الحديث أولا إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها ويأتي الخلاف في هذا في الحديث الذي بعد إن شاء بعد هذا إن شاء الله تعالى. Premièrement, on retient de ce hadith que l'âne qui passe devant le prieur, cela ne diminue pas la prière ni ne l'annule. Et la divergence sur ce point sera citée dans le hadith suivant, inshaAllah ta'ala. Namr. Justement, le khilaf viendra par la fin, inshaAllah. Thaniyan. In Abdullah ibn Abbas, hina tuwfiya an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana qad balagha aw qaraba al-bulugh. لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. عبد الله ابن عباس رضي الله عنه au moment où le prophète صلى الله عليه وسلم est décédé avait atteint l'âge de la puberté ou s'en était approché. Comment on déduit cela? Car le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui nous raconte, ou le récit qu'il nous raconte, a eu lieu pendant le pèlerinage d'adieu, qui a précédé la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'à peu près 80 jours. 80 jours à peu près après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accompli le pèlerinage, le seul pèlerinage d'ailleurs qu'a accompli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il est décédé après ces 80 jours à peu près. Thalithan, inna iqrar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min sunnatihi, li'annahu la yuqirru ahadan ala batil, fa'adamu al-inkari ala ibn Abbas yadullu ala amrayn, sihhatu as-salah wa 'adamu ityanihi bima yunkaru alayh. Troisièmement, l'acceptation du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de sa sunna, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse faire fait partie de sa sunna, car il ne laisserait personne faire une chose mauvaise ou nulle. Ainsi, le fait qu'il n'ait fait aucun reproche à Abdullah ibn Abbas prouve deux choses. La première, la validité de la prière, et la seconde qu'il n'a rien fait de réprimandable. رابعا استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم وقد عنون له الإمام البخاري بقوله باب سترة الإمام سترة من خلفه. Quatrièmement, ce hadith de Abdullah ibn Abbas a été utilisé comme preuve pour prouver que la sutra de l'imam est également la sutra de ceux qui prient derrière lui. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre al-Sahih, a cité ce hadith et a nommé le chapitre, la sutra de l'imam est une sutra pour ceux qui sont derrière lui. Et vous savez tous que le tabouib de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, prouve sa compréhension de la religion et le fait que c'était un faqih, que c'était un juriste, rahimahullah ta'ala, car le fait de donner un titre aux différents chapitres et en citant les hadiths à ce sujet prouve que non seulement il rapporte des hadiths, mais en plus qu'il en connaît l'essence et qui l'en déduit les jugements, rahimahullahu ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.